Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, le film aux 8 nominations aux Oscars. Le film d'aujourd'hui retrace les 8 dernières années de la vie d'Harvey Milk. Dans les années 70, il fut le premier homme politique américain ouvertement gay à être élu à des fonctions officielles à San Francisco, en Californie. Son combat pour la tolérance et l'intégration des communautés homosexuelles lui coûtera la vie. Son action a changé les mentalités et son engagement a changé l'histoire. Je m'appelle Harvey Milk et je suis là pour vous mobiliser. Si on accorde les droits civils aux homosexuels, alors on les accordera aussi aux prostituées ou encore aux voleurs ou à n'importe qui. 40 ans et je n'ai encore rien fait. Je ne me laisserai pas chasser de San Francisco par des gens qui sont des déviants sociaux irrécupérables. Il faut qu'un des nôtres soit élu. On peut faire la révolution ici. Je n'agis pas pour perdre. La voilà, notre nouvelle directrice de campagne. Vous avez peur des filles. Tu seras le premier homme ouvertement homosexuel élu à une fonction importante. Si on perd, on aura des lois anti-gays dans les 50 États. Harvey Milk sera poignardé et vivra une nuit d'horreur. J'appelle la police. C'est eux qui l'ont écrit, c'est sûr. Sans espoir, la vie ne vaut pas d'être vécue. Il faut leur donner de l'espoir. Il faut leur donner de l'espoir. Harvey Milk, un film de Gus Van Sant avec Sean Penn, un DVD M6 Vidéo.